La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de baseball. C'est une chronique que j'aime toujours faire une fois par mois. Je suis content que M. Jacques Lanciot désire ça y tente de la refaire encore cette année. C'est les Québécois qui évoluent dans le baseball affilié. Il y en a encore de très bons, même si Vladimir Guerrero est maintenant rendu dans les ligues majeures. Il y en a encore de très bons. Charles Leblanc Thorez, dont le nom m'échappe, vont très bien dans le duo. On en parle avec Jacques Lanciot. Bonjour, M. Lanciot. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. M. Lanciot, merci encore une fois de collaborer avec moi cette année. C'est toujours intéressant, cette chronique-là. Une fois par mois, là, j'aime bien ça, faire un compte-rendu des Québécois qui évoluent dans le baseball affilié. Ça me fait plaisir aussi. Et il y en a 8 cette année. Si on compte là, Jason Therrien, qui est encore sur la liste des blessés pour le moment, mais qui devrait revenir dans la saison, là, on a 8 joueurs québécois, incluant Vladimir Guerrero Jr., qui sont dans le giron du baseball majeur. Et donc, on va commencer avec nos deux premiers, Russell Martin et Vladimir. Russell Martin, je suis très, très, très, très heureux de sa performance parce que là, l'an passé, j'étais à peu près le seul qui disait qu'il était pas fini puis qu'il était capable encore une fois de frapper. Cette saison, en jouant 2 ou 3 matchs par semaine, ça paraît sur son physique. Il frappe pour 261, ce qui est vraiment beaucoup mieux que l'an passé et l'autre année avant. Puis, il frappe aussi avec de la puissance. Fait que donc, pour Russell Martin, c'est une bonne transition à Los Angeles. Et Russell, écoute, sur une base, il dirige bien les lanceurs. Mais ça, je pense qu'il travaille beaucoup dans le bullpen des Dodgers avec les jeunes lanceurs et il les prépare pour l'avenir. Dans le fond, il faut qu'il fasse quelque chose parce qu'au salaire qui est payé, il ne peut pas se permettre de jouer seulement 2 ou 3 matchs par semaine. Ouais. Est-ce que, j'ai pas regardé le line-up beaucoup des Dodgers cette année, est-ce qu'il joue au deuxième but? Non, il joue seulement comme receveur. Frappeur désigné et ou frappeur d'urgence à l'occasion. Parce qu'il est quand même capable d'évoluer comme 3 aux autres positions aussi, mais les Blue Jays l'année passée, il lui avait fait faire d'autres positions. Il y a Vladimir Guerrero également. Pour revenir à Martin, juste peut-être pour. Parce que là, j'ai dit qu'il jouait juste comme receveur. Eh bien non, il a lancé une manche. Oui, c'est vrai, il a lancé une manche. C'est ça. Il peut jouer à toutes les positions sur un terrain de baseball. C'est quand même assez exceptionnel chez les Dites-moi, Vladimir, joueur de la semaine dans la Ligue américaine de baseball, puis comme récompense, il a Charlie Montoyo, le professeur. C'est incroyable comment cette organisation-là prend pas soin de ses partisans. J'en reviens pas. L'an passé, il allait nulle part. Il aurait pu amener du monde dans le stade pour voir Vladimir Guerrero en le rappelant. Ils l'ont pas fait. Cette année, ils ont toffé jusqu'à la dernière minute pour pas le rappeler. Finalement, il le rappelle. Le gars, il frappe 4 circuits dans la même semaine. C'est le joueur du match. C'est congé férié à Toronto. Les Blue Jays sont là. Et ce qu'ils font, ils placent Guerrero sur le banc. C'est incroyable. Je n'en reviens tout simplement pas de cette organisation-là. Ben depuis, depuis Ross Haskins et Mark Shapiro sont là, donnez-moi les choses intéressantes qu'ils ont faites pour les partisans. Non, ils n'ont rien fait. C'est bien dommage parce que... Tu sais, ils n'ont rien eu. Puis regarde, lorsqu'ils parlent d'échanger Ken Giles, ils parlent de Marcus Strogman. Il parle également d'échanger. Justin Smoke, c'est correct, là. Mais cette organisation-là, puis moi, je suis un fan des Blue Jays. Cette organisation-là, depuis qu'Alex est parti. C'est ça. C'est incroyable. C'est vraiment là le problème. Depuis qu'Alex a quitté, ça va nulle part. C'est incroyable. Mais pour revenir à Vladimir Guerrero, je suis très, très, très heureux de ses performances parce que il a commencé tranquillement. Puis là, je me disais, peut-être que je me suis vraiment trompé, mais je me disais, ça se peut pas. Il a été bon partout. Il peut pas arriver. Bon. Ce gars-là, il s'est probablement mis trop de pression. Il y a toujours une période d'ajustement. Et deuxièmement, il s'est peut-être mis trop de pression aussi. Ce gars-là a de la pression. Peut-être aussi qu'il n'était pas au bon rang dans l'alignement des frappeurs. Ça n'a peut-être pas été un succès au début, mais là, il y a déjà 4 circuits, il y a déjà 10 points produits en plus de parties. Puis une chose qui ne ment pas, il y a 9 buts sur balle. Et les lanceurs, ils n'aiment pas ça de l'affronter. Fait que c'est tout un joueur de baseball. Oui, effectivement. Bon, il y a deux joueurs qui vont bien, Charles Leblanc et Abraham. Bon, Abraham Taureau, je l'ai retrouvé. Charles Leblanc, ça diminue un petit peu, mais ça va quand même assez bien pareil. Mais c'est, moi, c'était plus un frappeur auparavant de un petit peu plus de puissance. Il a frappé son premier circuit en fin de semaine. C'est ça. Et Charles Leblanc, au début de la saison, là, il a connu un début incroyable, frappait pour 438 jusqu'à là, 2 semaines. Là, ça a baissé un peu ces derniers jours, mais c'est pas vraiment grave. Ce que les Rangers du Texas attendent de Leblanc, c'est qu'il frappe avec la puissance. Ouais. Mais cette saison, la puissance n'est pas là, mais les coups sûrs sont là. Il frappait pour 438, là, c'est quand même beaucoup de coups sûrs depuis le début de la saison. Il a quand même 22 points produits, il frappe encore pour 313. Hier, il a connu un bon match. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Faut pas oublier que ces gars-là, ça joue à tous les jours. Là, ça l'a des fois une journée de congé par semaine, mais c'est assez occasionnel. C'est juste quand ils mouillent, dans le fond, qu'ils ont congé. C'est sûr que en partant fort, ça aide, mais à un moment donné, la fatigue rattrape, puis à un moment donné, il y a une baisse de régime, puis ça remonte, puis ça, c'est un petit peu la même chose pour Taureau. Taureau, après avoir connu un camp d'entraînement fantastique avec les Astros de Houston, l'équipe des ligues majeures, sa saison a commencé, ses 3 premiers matchs ont été très tranquilles avec son équipe 2A, mais là, il est parti en peur. Il a été le joueur de la semaine dans la Ligue du Texas il y a 2 semaines. Il a déjà 33 points produits en 39 matchs. Il a 7 circuits à son actif, puis il frappe au-dessus de 300, il frappe pour 306. C'est quand même... je pense que Leblanc et Taureau, ça devrait être deux joueurs qu'on devrait voir en septembre là, dans les majeures. Ben, il y a toujours l'espèce de... L'espèce, encore, ce qu'on a retardé avec Vladimir, là, de plus en plus, on voit ça des joueurs, même s'ils sont prêts, des joueurs qui, en raison de l'éligibilité, de l'arbitrage, des joueurs autonomes et ainsi de suite, souvent on retarde ça en début de saison. Hein. C'est ça. Sauf que là, avec les Astros puis avec les Rangers, je pense que les deux ont des chances d'être vus. Taureau, de toute façon, les gens des Astros de Houston savent à quoi s'en tenir. Ils l'ont vu jouer dans pratiquement tous les matchs dans la Ligue des Pamplemousses. Fait qu'il a bien joué défensivement, tant au premier but qu'au troisième but. Il a frappé à peu près à tous les matchs. Fait que je pense qu'ils savent à quoi s'attendre avec ce joueur-là. En tout cas, s'il finit pas la saison avec les Astros en septembre, je suis pas mal sûr que l'an prochain, ça sera pas bien long avant qu'on va le voir arriver dans les ligues majeures. Ben moi, je pense qu'il peut servir de monnaie d'échange. C'est drôle, hein? J'ai pensé ça à un moment donné. Ouais. Sauf que là, en le faisant jouer si souvent que ça dans les matchs, même après qu'il ait été coupé dans la Ligue des Pamplemousses, il ramenait quand même dans l'alignement à tous les jours. Donc, ça prouve que le GR a une grande confiance en ce joueur-là. Peut-être qu'il voudra pas il peut jouer à plusieurs positions. Fait que c'est un plus là, pour lui. Il frappe des deux côtés du marbre. Je suis pas sûr qu'il voudra. Il y a aussi Benjamin Pelletier et un joueur qui est dans l'organisation des Blue Jays, qui est un gars de la République dominicaine, mais qui est né à Montréal. C'est ça. Benjamin Pelletier est avec l'organisation des Phillies de Philadelphie. Comme je disais tantôt, il a 5 circuits puis 6 doubles à son actif depuis le début de la saison. Mais il y a aussi Otto Ariel Lopez. C'est un jeune qui a joué son baseball mineur à Montréal, mais qui vient de la République dominicaine. Dans l'organisation des Blue Jays, il a joué une saison en République dominicaine et maintenant, il est à sa 3e saison dans les ligues mineures. Il est au niveau A. Il a beaucoup, beaucoup de vitesse. Il a déjà 40 coups sûrs depuis le début de la saison, 18 points produits, 9 buts volés. C'est un gars qui a été appelé par Baseball Canada pour venir en aide au tournoi de qualification pour les Jeux olympiques au mois de mars. Personne s'attendait à le voir là, puis il s'est retrouvé là, puis il a très bien fait. Donc, c'est quelqu'un c'est un jeune joueur à suivre. OK. Est-ce qu'il parle français? Oui, il parle français comme vous et moi. Ah oui? Oh oui. Okay. OK, donc ça serait peut-être une entrevue possible à avoir. Ça, ouais, c'est intéressant parce que il n'y a pas grand monde qui le connaît au Québec dans les amateurs de baseball. Il y a Benoît Rioux dans le Journal de Montréal qui a fait une bonne chronique sur lui où on a appris à le connaître un peu. Mais c'est un Québécois qui parle comme vous et moi. OK, OK. Dites-moi, donc on va faire une pause, puis par la suite, le repêchage du baseball s'en vient à grands pas. Je veux savoir. Quel joueur pourrait être repêché des Québécois? Donc, vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Jacques Lanciot sur les ondes de danadosport.com.